tu vois tout ça? Ce monde est trop méchant. Ces gens qui s'entretuent. Les pauvres qui meurent de faim. Quand je vois tout ça, des gens qui disent du mal, qui votent pas comme il faut, et ces filles qui ne sortent pas avec moi, je m'énerve, je crie très fort dans un micro, ça fait trembler même les plus hauts. Ça vous dérange pour les gens de l'élite, que j'ai du succès, que je sois même pas chic. Moi je m'en fous, je veux pas de votre fric. Moi je crie tout haut si les autres ne pensent pas. Je m'énerve. Je veux des filles. Des croupies qui soient folles de moi. La misère dans le monde, j'aime pas ça. Il y a trop de mal dans le monde et puis il y a trop de fils en bas qui te regardent mais se moquent de moi. Et puis il y a aussi les politiques, c'est pareil, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, magouille et compagnie. Je m'énerve. Je fais du succès. Mon talent doit servir à ça. Je veux une fille qui couche avec moi. Je m'énerve. Je m'énerve. Je m'énerve.